Vous avez de gros problèmes électriques et ne savez pas vers qui vous tourner? Les entreprises Roderick Piquette sont la solution. Une équipe d'expérience impliquée dans son milieu avec un service au comptoir complet qui solutionnera tous les problèmes résidentiels, que ce soit du fil, au câble, aux boîtes électriques ou toute autre pièce. Nous avons tout ce qu'il vous faut. Tout ce qui est branché, c'est notre spécialité. Osez demander. Les entreprises Roderick Piquette, 410 8e Avenue, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2275. Toute notre équipe désire féliciter Shane Gauthier pour sa sélection avec les Blue Bombers de Winnipeg. Ça, évidemment, l'automne s'en vient tranquillement, mais on va commencer à parler un peu des sports d'hiver et nous parler un peu de nos athlètes qui nous représentent bien dans les différents sports hivernales. Et on va parler avec une patineuse Saint-Félicien, Catherine Mailloux. Catherine, qui l'an passé était à sa deuxième année à Montréal. Là, elle doit être sur le bord vraiment de bien s'acclimater. On lui parle à quelle... Qu'est-ce que ça va représenter cette année et à quoi s'attendre de elle? Salut Catherine! Oui, bonjour! Catherine, passez un bel été! Passez un très, très, très bel été. J'en emmène beaucoup, on emmène fort. OK. Bonne saison, on est en préparation pour la saison. Avant de parler de patinage de vitesse, on va parler. J'ai vu sur les médias sociaux que tu étais en train de faire un beau défi de patin roue aligné. Parle-moi un peu de ça. Oui, exactement. En fait, les patins voiliers, c'est quelque chose qui est, en fonction de l'entraînement, on fait la fin de semaine. OK. En fonction un entraînement complémentaire, c'est un changement, tu peux changer. Pas changement, changer la bête, c'est quelque chose qui est très le fun, en fait, en gang, donc c'est développant. Et puis, il y a un événement à Montréal, au Parti de Genève, qui est le 24 heures volume de Montréal. OK. On va faire un 6 heures en duo. Donc, c'est quand même un beau défi, mais 6 heures de temps roulé à deux. Donc, on a vraiment très, très hâte. Là. On commence vraiment à sentir l'équipement. Là. On est vraiment excité. On est vraiment OK. Est-ce que, c'est un 6 heures, mais est-ce qu'il y a les gens peuvent t'envoyer de l'argent, remettre à une cause? Comment ça marche au fait? Oui, dans le fond, il y a des dons qu'on okay. peut faire. C'est la cause, c'est pour le développement du patinage de vitesse okay. et du roller, pour faire connaître aussi, pour faire plus la promotion du sport du patin à roues alignées, parce que c'est pas un sport qui est très, très, qui est connu, oui, mais que il y a pas beaucoup de gens, tu sais, qui connaissent vraiment, vraiment ça, qui pratiquent ce sport-là. Donc, c'est pour faire la promotion de ça et pour le développement du patinage de vitesse au Québec. OK, OK. Évidemment... Vous allez sur le site du 24 heures. OK. Catherine, tu vas être là. J'imagine qu'il y a beaucoup de patineuses qui vont être là. Est-ce que Marianne va être là? Marianne? Non. Non? Okay, non. OK, OK, OK. Comment la préparation, comment ça va pour toi en vue de la prochaine saison? Honnêtement, ça va très bien. OK. Depuis le début de l'été, on est vraiment... comme l'été passé, on est vraiment refocusé sur la technique, les aspects techniques de tous les mouvements. J'ai repris où est-ce que j'en avais terminé l'année passée en fin de saison. Ça va très, très, très, très bien. En ce moment, on est plus... on commence à faire de la PAM, je suis sans aérobie maximale. On commence à hausser vraiment la vitesse, hausser un petit peu la difficulté, si on veut, au niveau physique de l'entraînement pour, dans le fond, en préparation pour la première compétition qui est très tôt cette année, qui est en fin septembre. Okay. Donc, c'est pour ça qu'on a un peu devancé les trucs, mais la technique reste vraiment un focus. Le plus gros des focus reste toujours, toujours sur la technique. Puis, on a embarqué aussi les côtés tactiques, donc... beaucoup des prises d'informations à l'entraînement. On a commencé à rentrer aussi des tracés, différents tracés adoptés comme ça dans une course. Donc, tout ça commence à se mettre en place en vue de la prochaine fois. Catherine, l'an dernier, tu avais un petit peu un manque. Ça allait pas bien. Finalement, tu es allé te changer d'endroit, même ça, pour te refaire un petit peu la manière de patiner à un moment donné. Puis c'est un petit peu pour rebâtir ta confiance aussi, là. Est-ce que tu vois déjà les effets positifs de ça? C'est clair, là. Puis tout la saison dernière, tout le long de la saison, plus la saison avançait, plus ça allait bien. Tu sais, parfois, plus la saison avance, plus on est comme plus fatigué, plus on est plus un petit peu, on a hâte que ça finisse des fois quand ça va pas trop bien, mais vraiment, ça a été tout le contraire, là. Plus la saison avançait, plus, tu sais, je comprenais plus qu'est-ce que je faisais. Je commençais à me mettre vraiment, vraiment, vraiment dans le mot de patiner avec une technique plus idéale que je patinais avant en compétition. Vraiment, en situation de course, de penser à ma technique. Vers la fin de l'année, ça a vraiment payé. Ça a commencé à payer. Puis là, évidemment, c'est jamais parfait. Donc, j'ai vraiment repris dès le premier entraînement, dès l'été, j'ai vraiment repris ce que j'en avais laissé pour que la progression continue. Puis ça va très bien. La progression est continue. Est-ce que c'est maintenant décidé que tu vas faire d'autres choses? Parce que par les années passées, tu faisais du long piste, du courte piste. Là maintenant, j'espère que c'est. Je pense que ce que tu avais à apprendre sur le long piste, tu l'as appris, puis tu vas te concentrer sur le courte piste. Est-ce que c'est quelque chose que cette année que maintenant tu vas y aller seulement qu'à une discipline? Comme l'année passée, j'avais fait que du courte-piste. Okay. Vraiment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce que j'ai changé de temps d'entraînement. Fait que c'était beaucoup de refaire la routine, c'était beaucoup de changements. Donc, c'était des nouveaux aspects techniques que je rentrais dans mon corps et que je n'avais jamais rentré. Donc, c'était beaucoup. Je me suis focussée vraiment là-dessus à tout rentrer. Cette année, je sais pas encore qu'est-ce que je vais voir comment la saison va débuter en courte piste, parce que la longue piste c'est plus tard évidemment parce qu'on a besoin qu'il fasse froid, donc c'est plus tard, donc je vais regarder comment ça va aller au début, puis je vais m'ajuster après, peut-être que je pourrais faire quelques compétitions cette année, mais sans plus, je vais pas trop pousser en longue piste cette année, je suis vraiment le focus sur la courte piste. C'était ton genou, je pensais, ou ton dos qui avait eu des problèmes. Je pense que c'est ton genou. Comment ça va de ce côté-là? Ton dos, ouais, comment ça va de ce côté-là? Ouais. Mon dos, c'est parfait depuis l'année passée. Là, mon dos est clean cut, hein, comme on dit. Là, j'ai pas eu de douleur. J'étais super bien traitée par des thérapeutes très, très, très compétents. Puis c'est jamais revenu. Là, donc, je suis vraiment, vraiment satisfaite. Donc, en ce moment, il n'y a pas d'aspect physique qui me limite. J'ai eu une blessure à la cheville au début de l'été. Okay. J'ai eu une entorse à la cheville gauche. Donc, mais là, c'est rétabli. T'sais, on sait qu'une entorse, ça peut être parfois long. Mm. Ça a pris deux semaines et demie avant que ça soit revenu. Mais là, c'est revenu. Donc, on ouvre la machine. Catherine, il me reste une question. Tu es sûrement au courant qu'il va y avoir un anneau de glace à Québec. Moi, quand j'ai parlé avec Robert Dubreuil il y a quelques semaines, lorsqu'on a fait l'annonce, j'ai dit que c'était bon, puis pour l'exode, un petit peu, pour freiner un peu l'exode, et je t'ai carrément nommé, j'ai dit, est-ce que ça va empêcher une Catherine Mailloux, genre, de partir à 14 ans de Saint-Félicien pour aller à Montréal? Là, maintenant, déjà, d'avoir été à Québec, ça aurait été moins pire. Donc, c'est une belle nouvelle. Est-ce que tu penses déménager éventuellement ou vraiment, là, ta vie, là, t'es bien acclimatée puis ça va bien? À Montréal, ça fait 3 ans au moins que je suis déménagée. Okay. Ça va vraiment bien. Okay. Honnêtement, au début, ça a été une adaptation, ça a été acclimater à tout ce changement-là, mais là, tu sais, je suis rendue en appartement, j'ai une routine, donc ça va très, très bien. Puis, tu sais, l'anneau, c'est pas pour tout de suite. C'est 2019. 2019, je crois, Donc, on va voir rendu là, mais pour l'instant, mon focus, c'est vraiment courte piste, puis déménager à Québec, c'est pas dans mes projets. OK. Non, mais la question se pose à un moment donné, Catherine, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de compétitions de patinage de vitesse à Québec. Je pense qu'ils vont vouloir rentabiliser ça le plus possible. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, peut-être que même le Centre national pourrait déménager éventuellement. Donc, c'est pour ça que je te pose la question. Catherine, un gros merci. On se reparle tout au long de l'année. Mais merci à vous. La patineuse de vitesse de Saint-Félicien, Catherine Mailloux.